changer le cours de ma vie. Maintenant j'ai décidé de changer de plan. Y'a ceux qui disent que je suis fou et ceux qui croient en mes ambitions. Je me fiche bien de qui aura raison. Moi je file vers l'horizon. Je m'enfuis, j'oublie mes soucis et mes ennuis. Je dévore la vie comme j'en ai envie. Ça fait bientôt 10 ans que je vagabonde. Je me dirige au gré du vent. J'ai envie de me poser pour acheter un logement, avoir une femme et des enfants. Y'a ceux qui disent que je suis fou et ceux qui croient en mes ambitions. Je me fiche bien de qui aura raison. Moi je file vers l'horizon. Je m'enfuis, j'oublie mes soucis et mes ennuis. La vie comme j'en ai envie. Ça fait bientôt 10 ans que j'éduque mes enfants. Et pourtant je suis impatient de pouvoir voyager comme mon cousin Gégé. Pas de chien, pas de femme et pas d'enfant. C'est vrai que j'ai une belle voiture, c'est vrai que j'ai une belle maison. Construire ou se construire, telle est la question. Le principal, c'est d'être bon. Je m'enfuis, j'oublie